je me demande si j'existe vraiment. De ma vie, je ne suis qu'un spectateur. Alors je me fais du mal, mais discrètement. Le psy m'a dit, c'est qu'un aspect de ta peur. Et quand j'ai mal, je me sens vivre un peu. Il fait nuit quand les lumières s'allument. On oublie presque qu'on est triste. Ils ne voient pas que je suis dans la lune. Ils ne veulent pas que je m'éclipse. J'ai besoin d'être seul. Les lumières de la ville dégoulinent sur la scène. Tu étais la seule. Mais tes yeux sont noirs. L'encre a remplacé la sève. J'ai pas besoin de toi. Dérive ces temps-ci. On dit l'univers infini. On dit aussi qu'il s'étend. Alors dans quoi s'étend-il? J'ai pas les pieds sur terre. J'ai besoin d'espace. J'ai peur de ta face cachée. J'ai pas les pieds sur terre. T'es rien. J'ai peur de ta face cachée. Parfois je me demande si j'existe vraiment. De ma vie je ne suis qu'un spectateur. Alors je me fais du mal mais discrètement. Le psy m'a dit c'est qu'un aspect de ta peur. Et quand j'ai mal je me sens vivre un peu. Infinité de trajectoires possibles. Le destin a choisi de nous mener à cet instant précis dans l'univers. Qui aurait pu prévoir ce que le passé nous réservait ?